Dites-moi pourquoi l'amour, malgré ses promesses, jamais ne rimera avec toujours. J'ai perdu celle que j'aimais. On remplace dans nos dessins le je par le nous, puis ça s'arrête pour un rien ou pour un tout. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi l'amour nous fait payer au prix fort les roses rouges, les beaux discours, les sacrifices, les efforts. On croit même qu'au quotidien on y prendra, mais ça s'arrête pour un rien ou pour un tout. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi l'amour, un instant au paradis, va nous laisser faire un tour, puis c'est l'enfer. C'est l'enfer, car à la fin on tombe à genoux pour pas que ça s'arrête pour un rien ou pour un tout. Peine perdue. Car ça s'arrête.